Les thèses de Scientologie, t'y crois pas. Vaste blague fumisterie, à toi de faire ton choix. Bernadette a vu la Vierge, t'y crois pas. Mon gars.